Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission de la Trap House. Je suis Elliot et avec Dylan. Salut tout le monde. Hugo. Salut à tous. Et Roman. Salut. Je vais vous accompagner à travers notre émission dans laquelle on va vous essayer de vous partager notre amour pour le rap. Alors pour ça, on va commencer avec un tout petit peu d'actu sur le rap. Après, on va aborder un sujet par émission et cette semaine, ça va être le sujet du streaming. Après, on va faire une petite chronique perso qui aujourd'hui portera sur le rappeur Yanis. Ensuite, on fera un débat entre nous sur un sujet tiré au sort. Et on terminera cette belle émission, tout ça, parsemé de sons. Et pour commencer, on va vous diffuser du futur. C'est parti. J'ai fait l'aller, j'suis sur le retour, la marchandise est troquée. Reste que là, quel plat qui est croqué. Charbonneur, fait belle être tout dans tout comme des boules de femmes. Toujours les lois de la rue, ne propose pas de coder. Message codé, commande, et t'as le droit de recommander. J'fais suivre tous les jugements, trop de lettres recommandées. Coup de blessure, on te blesse, surtout s'il y a du blé chez toi. Mais dis comment délivrer sans ordonnance, c'est le son des détailleurs, c'est le son des malfaiteurs. Bam, bam, toc dans ton tam tam. C'est ce qui se passe quand tu dois des sam. Hop, te braque avec mes homeboys. Et ram, ram, pam, pam, pam. Wow, wow, wow, wow, rêve toujours des putains de mots. J'en ai fait des insomnies, mes cernes te parlent plus que mes mots. J'suis le diplomatico, mais j'garde toujours la même mot. Touché par la vie du hall, donc obligé que j'me lève tôt. Pour l'argent d'abord, et peur que les keufs toquent à ma porte. Ma génération, rendez derrière la porte, vu que ça rapportait. Et maintenant tu te demandes mais qui rapporte ça. Et qui rapporte là, raconte les boudins. Putain, une autre vision de la vie, fonce des sous-couches pour. Et mon bébé dans le rap, auto des couches pour. Une autre vision de la vie, fonce des sous-couches pur. Tu racontes ci, tu racontes ça, je t'écoute plus. Bam, bam, toc dans ton tam-tam. C'est ce qui se passe quand tu dois descendre. Sam, hop, te braque avec mes rambos. Et ram, ram, bam, bam, bam. À quoi ça sert de gonfler tes pecs? Si ta feuille entre les beuges, beuge à part une schnexer. Nous ce qu'on préfère c'est flégon, bijoux de famille. Fierté fera qu'on paiera le prix cher dans cette vie. Les vrais sont rares comme étoiles filantes. Les faux sont proches comme certains avec qui tu manges. J'ai coupé Saint James au Oasis Goukassis. Ratou tu nous verras revenir, rip classique. Un taux de rage élevé dans le sang, boy. Un cauchemar chaque fois que je somnambule. Ce propage virus d'un soif d'argent. Laisse-moi boire avant que tu perdes ta joie. T'es trop calme pour être dans la bande, boy. C'est trop noir, ma vie est comme noctambule. Des drogues circulent dans nos rues, les gars. Des conseils, chaque meuf de venir nous voir. Bam, bam, toc, dans ton tam, tam. Sam, hop, te braque avec mes hambars. Ram, pam, pam, pam. Bam, bam, toc dans ton tam tam. C'est ce qui se passe quand tu dois descendre. Sam, hop, te braque avec mes hambars. Et ram, ram, pam, pam, pam. Et voilà, c'était Somme de 13 blocs avec Ikaz à la prod. Et c'était pas du tout du futur, je me suis complètement trompé. Et on enchaîne sur les actus de la semaine avec les sorties de singles, d'albums, d'EP et de mixtapes. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la petite sélection que je vous ai fait d'albums de la semaine. Avant tout, on a Dossé qui nous a sorti son projet Trop tôt pour mourir. Dedans, il y a un son où il nous parle intimement d'un attentat qu'a vécu un de ses proches. On écoute un extrait tout de suite, le son s'appelle Jamel. Soudainement j'entends pac pac pac. Le coup par coup avant qu'une rafale parte. Je me lève en sursaut pour voir d'où tout ce brouhaha vient. Au premier rang il y a un peu de monde, du coup je vois pas bien. Ça court dans la hue. Ensuite on a Mig Moula qui nous envoie son album Toujours Plus. Slimka nous envoie son 4 titres Cyclope. Le beatmaker C.I. Laprise nous envoie son album Connecté 2 avec des noms comme H. John Crack, Luther ou encore S.O. La Lune. Prince Wally envoie Moussa son album. On s'écoute tout de suite un extrait de son album Balotelli en featuring avec Freeze Corleone. Aujourd'hui le bateau se décharge. Qui nous a regardé, on danse pas pour les bénis. On découpe comme les bouchers, comme les bénis. Génération Mario Balotelli font les teintures jaunes, ils font les balles de tennis. Corleone, Prince Flingue et son chargeur. On est comme téléphone. Ensuite, pour ce qui est des singles, on a été assez gâtés cette semaine. On a eu la chance d'avoir enfin un single en collaboration entre les artistes Kershak et Ziak qui s'appelle Peur. On écoute ça tout de suite. C'est le K, c'est le Z. Kershak, le mec que tu respectes. Cela met dans le Z. Va devant le haze et pour la purple haze. Putain de floco, lâche-moi que trouve-toi ton propre bail. Même quand c'est carré, je suis armé, tout le monde porte. On retrouve également sur la mixtape de Saboteur un feat exceptionnel entre Jazzy Baz et La Fève qui nous font une prestation iconique. On écoute tout de suite un petit passage. Vaudit mytho seigneur, mais moi loin. De Vaudit mytho seigneur, mais moi loin. Pas de paradis ici, je vois rien de tel. La fête a changé, elle me dit on se parle plus au tel. Mais tu sais, moi je bosse. On a pu voir cette semaine également un feat entre le rappeur Osiris Jack du 667 et le rappeur Ola Zermi avec le son Tsar Bomba produit par Allo 2C. On s'envoie un extrait tout de suite, attention, ça rigole pas. C'est aller, non, non. Là qu'on peut te laisser à l'eau. Nous c'est malfrat, lumière tamisée, on vient t'arroser. Paris qui chasse à Tanger. Le 19 enchaîne les passes. Plusieurs GSM dans un GSM. L'application bien avant MSN, quotidien salé. Ola Zermi, Osiris Jack. 9-3, Denis Saint-Saëns. 2022, c'est sur les expans. Ah, comment les niquer en fait science. Banks Beat a sorti également sa mixtape avec un bon nombre de rappeurs. On retrouve un son avec Esso La Lune qui s'appelle Sous le Ciel. On vous laisse écouter. J'ai pété l'autre folle, c'est pas Kiki. J'ai cap un après, j'ai fait la toupie. J'attrape le Z et il a le cookie. Tu parles trop, tu vas perdre ta tête comme le roi. Pour me faire, il leur faut 10 fois 32 mois. Et l'ancien m'a dit, ils nous ont tout pris. Et pour finir cette chronique, on va vous laisser sur un extrait du dernier album de Sixo en feat avec The Four et Jazzy Baz sur le titre Pavé. Le clip a été tourné aux États-Unis très récemment. C'est un plaisir pour les yeux, un plaisir pour les oreilles. Écoutez ça. Acrobatique dans la mer sera la folie. Je suis là comme les keufs à la pompe de la folie. Si c'est pas le cœur, c'est l'oseille qu'on va donner. Je compte tous les coups de pute, ainsi tout ce qu'on a promis. Je peux plus calculer ce qu'on m'a volé. Je fais rentrer sans savoir à qui tout ça profite. De 0, 22, loin d'eux. Bref, en prison, mission baveux. Shit dans le derche, je suis sur le pavé. Merci les gars pour cette petite actu. Sinon, en actu nancéenne, on a bien évidemment en ce moment, à partir du 5 octobre, les NJP. Le Nancy Jazz Pulsation qui, du côté rap, va accueillir sur sa grande scène sous le chapiteau Dinos et Jazzy Baz. Prenez vos places. Et aussi au Magic Mirror, Mehdi Maizy avec Makala. Ça commence à minuit, ça finit très tard, ça va être un petit banger. Voilà, alors on va enchaîner avec le sujet du streaming. Et avant ça, on va se passer nos photos de rallye. Je vous laisse écouter ça. Yeah. On sait déjà, on a tout fait comme il faut, on fait cash. Photo baby, maman me dit, je suis en love. Je suis très sûr de moi, j'ai pas Tommy Voice. T'auras rien, on chante en rallye, change de camino. On vient du bas, on vient des caniveaux. Sauf qu'il me dit qu'on connaît pas, je suis pas le maire, je suis pas Parigo. Maman m'a dit, belle avec mi carigno. J'ai chanté toute une peine immense en forçant sur ma baby voice. Je ne traîne pas avec des flocos, mon foco. J'suis pas une barque, j'fais un bateau. L'autoroute du succès, c'est le danger. Ça veut manger, trop tôt, ça fait des tonneaux. Quand on pue, je réponds à un tonneau. Double up, cash out, mettra les photos. Y'a trop de personnes sur les photos. Je peux pas sauver tout le monde, poteau, il me faut le coton. Big Rex, ma pour 3, un big smile. Fuck fake friends, que des vrais slimes. Fuck hell, s'en foutrait la best life. Yeah. Big Rex, ma pour 3, un big slime. Fuck fake friends, que des vrais slimes. Fuck hell, s'en foutrait la best life. M'énerve, saute comme sur un trampoline. On m'a dit arrête la zik, mais c'est mon gasoline. Je peux saper ma go avec du vrai Céline. Fuck boy, je fais pas ce qu'on faut pour aller dire follow me. Avec les sous du crew s'investit. On est béni, mais au début c'était le pire film. Jamais on s'est dit, mais Ali, les guidés, j'suis pas un miskin. Rara, j'ai là des big dreams. J'regarde les majors dans les yeux, j'suis pas leur victime. J'suis un 99 lucide, fuck pussy ass bitches qui croient en leur logique. Crois en toi, poto, ça flex sur leurs études à droite à gauche, mais c'est toi le plus fort, poto. Ça monte des sables, ça prend des snaps, poto. Vite à vie, grind fort, demain on prendra plein de photos. Et voilà, c'était nos photos de Rally. Ce petit banger fait partie de la tape 21 qui compte deux sons. Et attention. Ah là là. Qu'est-ce que j'entends ? Le jingle freaky, il annonce tout simplement un blind test en aléatoire dans une playlist. C'est un truc qui va être répété plusieurs fois dans l'émission. Celui de nous quatre qui trouve quel son passe marque un point. Et on donne les résultats à la fin de l'émission. Et le grand gagnant du blind test de freaky pourra passer le son qu'il désire pour clôturer notre émission. Let's go. Donc c'est parti, je vais lancer un son en aléatoire dans une playlist. C'est Kershak 808 Vaclery. Alors ça c'est l'original, c'était la foule d'Edith Piaf. Vraiment ? On n'avait pas prévu que ça passerait pas de rap. Et oui, je n'ai pas que du rap dans la playlist. Donc je passe au son prochain. Ah. Ok. C'est Travis et Quavo sur Motorcycle, un truc comme ça. Motorcycle Patch, bien joué Dylan. GG. Exactement. Et du coup, Dylan, bravo à toi, tu marques ton premier point de l'histoire de la Trap House. Merci. Et on va continuer ces petits blind tests de Freaky tout au long de l'émission. Et maintenant, on va pouvoir enchaîner sur le sujet du streaming. Et on va commencer avec Hugo, qui va nous raconter un peu comment ça se passait avant le streaming. Après, avec Roman, nous, on va vous décrire comment ça s'est passé avec l'explosion du streaming, comment ça a favorisé le rap. Et après, on va aborder tout ce qui fait que parfois, le streaming, ça peut avoir une mauvaise influence sur le rap. Voilà, je vous laisse avec Hugo. Salut, salut. Alors, je vais vous parler de comment s'est développé le genre musical du rap entre les années 2000 et 2015, jusqu'à à peu près l'arrivée du streaming. Il faut savoir que tout d'abord, le style est un peu en essor dans les années 2000, mais malheureusement, même si le style se popularise, l'industrie du rap chute et perd deux tiers de sa valeur vers cette période. Alors les maisons de disques arrêtent d'investir dans le rap. Entre 2000 et 2010, le rap est plutôt mort commercialement et les gens de la génération 2000, ils écoutent plus de la dubstep au collège plutôt que Ninho comme aujourd'hui en fait. Et du coup, à cette époque, le public jeune n'a pas les moyens d'acheter des CD à 15 euros et écoute davantage du rap américain plutôt que du rap français. Et malheureusement, à la fin des années 2000, le téléchargement des albums devient une norme, une habitude. C'est un coup de grâce pour l'industrie du rap. Les plateformes pour télécharger des albums pullulent. On retrouve pas mal de sites comme Mega Upload. Soutenu par l'arrivée en France de la DSL, des bonnes collections arrivent, tout le monde télécharge leur album, etc. Ça permet à tous les auditeurs d'accéder gratuitement au son. Mais ça fait moins de ventes, donc les maisons de disques investissent moins, etc. C'est un cercle vicieux pour le rap. Parallèlement, cela contribue à soutenir des petits artistes qui seront écoutés en ligne. L'essor continue malheureusement et les fans, au lieu d'acheter des albums, ils achètent des places de concert, des hoodies, etc. On se retrouve un peu au point mort. On verra ensuite que le rap n'a pas dit son dernier mot et qu'il a plus d'une tour dans son sac. En effet, dès les années 2006 et 2007, il y a les plateformes de streaming qui vont arriver pour essayer de combattre un petit peu les plateformes de téléchargement. Et donc on a Spotify en 2006, Deezer en 2007 ou encore Apple Music en 2015. Et depuis la création des sites de streaming, le nombre de streaming par an n'a cessé d'augmenter chaque année. Le streaming fait son entrée dans les certifications en 2016. Il faut savoir que 1500 streams, ça équivaut à une vente. Je vais vous décrire les seuils de vente. Donc dans un premier temps pour les singles. Un single d'or, ça équivaut à 15 millions de ventes. Un single de platine, ça équivaut à 30 millions. Et un single de diamant, à 50 millions. Donc pour donner un exemple, en 25 jours, le titre bande organisé est devenu disque de single de platine, puis single de diamant, en 30 jours seulement. Énorme. Et aujourd'hui, le morceau est quadruple diamant, une première dans le rap français. Ensuite, pour les albums, un album certifié or, ça équivaut à 50 000 ventes. Un album platine, 100 000. Double platine, 200 000. Triple platine, 300 000. Puis Diamant, c'est 500 000. Donc pour imaginer, comme projet Diamant, nous avons deux frères de PNL, Commando de Niska ou bien récemment Trône de Booba. Ok, et eh ben merci Roman. Moi, je vais vous laisser avec Nobu de Hamza et après je reviendrai pour vous parler de comment le streaming a favorisé le rap et a permis au rap de se développer. À tout de suite. J'ai bientôt 26 si Dieu le veut. Je peux voler ta wifi si je le veux. Nuages de blue cheese dans les cieux. Tu fais que mentir dans mes yeux. Et dans la vodka, j'étais sous whisky, j'étais sous codeine. J'suis pas le meilleur, j'suis pas un exemple, mais j'fais mon possible. Yeah, yeah. J'peux faire un showcase et puis le soir même, j'suis dans le ghetto. Si tu nous disrespectes, t'entendras chanter les Draco. Grrr ta ta ta, grrr ta ta ta. Si tu nous disrespectes, t'entendras chanter les Draco. Les bastos vont dans tous les sens. Comme un regard d'un junkie devant une dose. On descend un homme et il dépose une rose. Yeah, yeah. Les bastos vont dans tous les sens. Comme un regard d'un junkie devant une dose. On descend un homme et il dépose une rose. J'ai de quoi rendre une bitch en love ou me faire un ennemi. J'suis en harmonie avec mon gang, Draco Savani. J'dépose un bec pour une nouvelle watch, Philippe Tech. Elle avait jamais été chez Chanel, elle a dépensé un chèque. Lundi Novo, mardi Novo, jeudi Novo. T'es loin de money, c'est jaloux son poste, dès qu'on fait du vaudou. Lundi Novo, mardi Novo, jeudi Novo. T'es loin de money, c'est jaloux son poste, dès qu'on fait du vaudou. J'suis la définition d'un boss. Après un job, on est déjà sur un job. T'es ma définition de la chop. Non, tu nous verras jamais chez les cops. Tu veux un kilo ou bien un demi. J'appelle ta bitch et je l'emmène à Bali. Même dans un embout, j'ai toujours un semi. Ma vie est ma vie, elle est de l'Italie. J'fais dans la moula day and night, comme Kikali. Beaucoup de sneaks veulent me voir tomber, mais j'suis solide. Dans la vodka, j'étais sous whisky, j'étais sous codeine. J'suis pas le meilleur, j'suis pas un exemple, mais j'fais mon possible. Les bastos vont dans tous les sens. Comme un regard d'un junkie devant une dose. On descend un homme et il dépose une rose. Les bastos vont dans tous les sens. Comme un regard d'un junkie devant une dose. On descend un homme et il dépose une rose. J'ai de quoi rendre une bitch en love ou me faire un ennemi. J'suis en harmonie avec mon gang, Draco Savani. J'dépose un bec pour une nouvelle watch, Philippe Tech. Elle avait jamais été chez Chanel, elle a dépensé un chèque. Lundi Novo, mardi Novo, jeudi Novo. T'es loin de money, c'est jaloux son poste, dès qu'on fait du vaudou. Lundi Novo, mardi Novo, jeudi Novo. T'es loin de money, c'est jaloux son poste, dès qu'on fait du vaudou. Et voilà, c'était donc Nobu de Hamza. Et maintenant, je reviens pour vous parler du streaming. Donc je vais essayer de vous imaginer un petit peu tout ça. Coupé par Freaky. Donc c'est parti, on relance le blind test. Est-ce que vous êtes prêts? Totalement prêt. Il regarde. S-C-S-C-H. Et c'est Fusil. Bravo, bravo à Roman, on applaudit Roman qui marque son premier point de l'histoire de la Trap House. Ça fait un point pour Dylan et un point pour Roman. Et je vais peut-être enfin pouvoir parler du streaming. Donc, comme je vous disais, pour imager, le top 200 des albums les plus écoutés, en 2015, il y avait 16% de rap dans ce top 200. Et en 2016, quand le rap a été comptabilisé, quand le streaming a été comptabilisé pour les ventes et les certifications, 30% du top 200 était composé de rap. Et en 2018, c'est même monté jusqu'à 48%, donc 3 fois plus qu'avant que les streamings soient comptabilisés. Et tout ça, c'est un gros changement, parce qu'on est passé d'une logique d'achat à une logique d'écoute. Une logique d'achat, c'est tout simplement, avant, on allait acheter un CD, et peu importe si on écoutait ce CD 0 ou 1000 fois, ça comptait comme une vente. Pas plus, pas moins. Et après, il y a la logique d'écoute que Roman va vous expliquer. Et donc, pour parler de la logique d'écoute, avec le streaming, on compte le nombre de fois où les morceaux sont écoutés par les auditeurs. Le public visé par ce dernier est globalement les jeunes entre 16 et 34 ans. Ce sont les utilisateurs les plus réguliers et actifs sur les plateformes de streaming. Le rap va alors passer de sous-représenté à enfin révélé grâce au streaming. En effet, les plateformes de streaming, c'est quelque chose qui correspond plus aux jeunes parce qu'ils représentent plus d'un tiers des auditeurs des plateformes. Et ça aide le rap parce que les jeunes, c'est le public cible du rap. Après, le streaming, ça a aussi permis à des rappeurs de plus devenir indépendants et de moins dépendre des maisons de disques. Et le streaming, ça a peu à peu, dans certains cas, pris la place du CD. Je vais vous donner des exemples et Roman va vous donner des contre-exemples. Nino avec Refé, en midweek, il a fait 31 000 streams, 76% de streaming et 22% de ventes en CD. Et pour Hamza, c'est pareil, on a une grande majorité de ventes en streaming avec 9300 ventes en tout, 83% en streaming et 11% en CD. Ensuite, pour les contre-exemples, on a Étoile Noire de Livresval. Donc 9300 ventes pour 80% en physique et 19% en streaming. Ou bien Civilisation d'Orelsan, 138 000 ventes en première semaine, donc 70% en physique et 28% en streaming. Mais dans ces cas-là, on peut parler aussi du schéma promotionnel des albums. Par exemple, le lendemain de la communication de la date de sortie de son album, Orelsan annonce que 15 versions du CD seront disponibles et qu'elles auront toutes une rareté différente, etc. Par exemple, il y avait le CD de Shonen qui était à 500 exemplaires, ce qui va attirer l'œil des collectionneurs, permettant alors une précommande plus solide. Ouais. En gros, il a bien géré la vente de ses CD, il a attiré le consommateur, ouais. Ouais, pour vendre plus de CD. Voilà. Et après, pour finir un petit peu sur ce sujet du streaming, pour ma partie, et laisser la parole à Dylan, je voulais finir en disant que le streaming, aujourd'hui, ça a pris énormément de poids, à tel point que ça influence la radio. Hein. Laurent Boudon l'avait dit lui-même, que pour ce qui est diffusé à la radio, on prend dans les top streams, on prend dans les top Spotify, on prend dans les top Deezer, tout simplement. Voilà. Mais après, le streaming, il peut être aussi controversé. Je laisse Dylan nous expliquer ça. Alors, tout simplement, on va parler d'une polémique qui est assez connue dans le monde de l'industrie musicale et surtout du streaming, qui est l'achat de stream. Souvent est accusé le rappeur en question. Par exemple, Ninho est souvent la cible de plusieurs accusations à ce sujet. On retrouve pas mal de tweets, d'auditeurs, etc. qui soutiennent le fait que Ninho potentiellement achète des streams pour ses projets, c'est pour ça qu'il fait autant de ventes, etc. Mais il faut rappeler surtout qu'un artiste n'a rien à voir avec les achats de streams et que si, par conséquent, il y a des achats de streams en réalité, c'est vraiment les maisons de disques et les labels qui en sont les plus gros acteurs, car c'est eux qui dirigent tout l'aspect commercial et tout l'aspect marketing d'un projet. Donc c'est eux qui vont mettre en place ce genre de stratégie. Et puis d'ailleurs, il ne faut pas nier que c'est une stratégie très très smart, on va dire, de la part des labels, parce que en soi, si tu es un petit rappeur, on va dire, qui essaye de se faire connaître, qui sort un ou deux projets, tu vas essayer de créer une hype autour de toi, tu vas essayer de créer un engouement. Et puis en général, avec les réseaux sociaux, Twitter, etc., on retrouve énormément d'engouement autour d'un artiste. Ça peut être par exemple très récemment dans la série... qui a été organisé par Netflix, c'était quoi, La Nouvelle École. Dans La Nouvelle École, on retrouve par exemple Fresh La Peufra, qui a eu un engouement énorme sur les réseaux sociaux. Le buzz va très vite. Il a été retrouvé au top des classements Spotify à plusieurs reprises, en détrônant Ninho, Jules, les plus grands rappeurs français actuels. Et tout ça, ça peut venir de stratégie marketing. Je ne dis pas qu'il a acheté des streams, pas du tout, mais ça pourrait être une très bonne stratégie de la part des maisons de disques et des labels. Et puis d'ailleurs, c'est également ce qui motive les labels et les maisons de disques à faire des offres aux artistes. Parce qu'en effet, si on voit qu'un artiste qui sort ses trucs en indépendant arrive à se générer 100 000 streams, évidemment, ça va bien motiver les maisons de disques à essayer de proposer des contrats à ces jeunes artistes. Et puis... pour rappeler très, très brièvement, le streaming, au milieu des années 2010, c'est à partir de ce moment où le streaming musical a proposé d'augmenter artificiellement les écoutes d'un titre. Et ça, on a pu le voir, on a pu en entendre parler, par exemple, avec Jay-Z, qui avait fait des achats de stream sur la plateforme de streaming Tidal, donc qui gère lui-même, je crois. Et ces streams concernaient The Life of Pablo de Kanye West. Et ça a été très repris par l'auditoire et par les fans de rap aux États-Unis. Et pas que, hein. En France, on a énormément de polémiques à ce sujet. Est-ce que Ninho achète ses streams? Est-ce que Aya Nakamura achète ses streams? Est-ce que Soprano marche autant qu'avant? C'est des questions auxquelles même les auditeurs ont du mal à répondre parce que c'est un truc qui les dépasse. C'est vraiment un sujet qui est on va dire, très controversé. C'est un truc vraiment business. Et puis l'auditoire et les artistes ne sont pas en général concernés par ça. C'est vraiment un truc qui est fait en crédit, comme je pourrais dire. Moi, je trouve que c'est pas plus mal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais en dehors du fait que, d'accord, ça fausse certaines statistiques et puis certains artistes qui essayent de se lancer en indépendant, moi, je trouve que c'est pas plus mal de commencer, on va dire, sa stratégie marketing, parce qu'au final, on devient plus rentable. Si on achète, on va dire, 100 000 streams qui viennent d'Inde, bah, au final, sa notoriété pourra vous donner, je sais pas moi, un contrat en maison de disques, vous sortirez peut-être 3 projets qui vont fonctionner, qui vont vous rapporter plus que ce que vous avez investi. Ouais, ça a un petit côté malsain quand même. Ouais, c'est ça. C'est... Moi, j'ai l'impression que s'il y a des artistes qui font ça, et ben ils volent un petit peu la place d'autres artistes. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est d'acheter ses streams. Mais des fois, il y a des artistes qui méritaient peut-être d'être connus, qui juste grâce à un achat de stream peuvent se développer, etc. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, et puis Gizmo, le rappeur français, du coup, il en parlait dans une interview qu'il a fait sur une chaîne YouTube. Et il disait justement que un mec comme lui ne ferait jamais ce genre de pratique car il trouve ça pas éthique. Et puis il préfère que tout le monde réussisse pour qu'il n'y ait pas trop de concurrence malsaine, etc. Mais ça, c'est vrai qu'on peut le voir. En vrai, au sein du rap, Gizmo a toujours été présent, mais n'a pas pop vraiment comme c'est un vrai. Gros artiste, comme Damso, etc., qui, lui, par exemple, aussi a été cible de... Tu accuses Damso ? Non, mais c'est ce que j'ai entendu. Après c'est vrai ? Damso a été accusé d'acheter Oui. Enfin, j'ai pas vu, moi. Moi, j'ai vu ça. Il a été accusé sur les morceaux qu'il avait sortis sur Ipséité, à ce qui paraît... C'est bien vu, en plus. Oui, il a été cible d'accusations sur des achats de stream. À l'époque là, je crois qu'il était encore sous le 9 de i. Voilà. Ah, c'était à l'époque là, ouais. Exactement, jusqu'à Lito Pélion. Donc Booba l'a défendu. Voilà, c'est ça. Après, ça a mal fini. des petites embrouilles. Exactement. Mais c'est vrai, voilà. Ok. Et bah, merci Dylan pour cette petite, sur ce petit passage sur les polémiques autour du streaming. Et on va se retrouver après un petit son. C'est Restez Dîner de Green Montana. Et après ça, on va faire un Roland Gamos, je vous explique après ce que c'est. Hey, présent compliqué, avenir instable. J'ai repéré des putes sur Insta. Gros, tu vas jamais remplir un stade. Gros, tu vas jamais rouler la stone. J'ai avec mes pieds touchés par le sol. En garde, je mets tout le bénéfice dans les paxons. Mon repas du soir dans le caleçon. Elle est bonne, elle parle comme un garçon. Dans ma tête, les souvenirs se fractionnent. Ma vie dans la drogue, je veux faire ça comme. On est différent, pourtant ça colle. On est différent, pourtant ça colle. Dans ma tête, les souvenirs se fractionnent. Ma vie dans la drogue, je veux faire ça comme. On est différent, pourtant ça colle. Dans les couilles, du gâche et des bousons. Par mes housses et la frousse. Ça va quand elle pousse, ça va quand elle pousse. Aucun doute, je leur fais aucun doute. Hey. Méfiant, tu vois trouble. Méfiant, tu vois trouble. Hey. Green est dehors pour dealer. Green est dehors pour dealer. J'pourrais pas rester dîner. Non, j'pourrais pas rester dîner. J'fais des sons, j'fais des billets. J'fais des sons, j'fais des billets. Hey. Pour qu'elle puisse pas m'oublier. Hey. La fumée remonte dans les logs. La fumée remonte dans les rastas. Hey. T'es pas des nôtres, allez casse-toi. Cramé donc tu veux qu'on fasse quoi? Affamé c'est normal ma star. Rajoute du thon dans tes pastas. C'est la bonne mais tu dans la star. Ailleurs quand elle dit embrasse-moi. J'récupère putain de lias la bingo. Petite pétasse vas-y masse-moi. J't'allonge petit pétard pas de quoi. Tous les jours ça part en aqua. J'suis appliqué pris dans la toile. Eux et moi on parle un autre langage. J'l'ai vu faire et finir à poil. Là elle est chaude elle est à point. Année sur le pédo j'ai les paupières froissées. Anonyme, tu te fais balance tout ton réseau. Y'avait des kills de bugs planqués dans la maison. Oh. Perds pas ton temps, on a déjà perdu la raison. Hey. Green est dehors pour dealer. Green est dehors pour dealer. J'pourrais pas rester dîner. Non, j'pourrais pas rester dîner. J'fais du son, j'fais des billets. J'fais du son, j'fais des billets. Hey. Pour qu'elle puisse pas m'en. Ok, super. Voilà, c'était Resté Dîner de Green Montana. Gros son. Et maintenant, ouais. Très bon morceau, j'avais jamais écouté. Pareil, je connaissais pas, les gars. Merci de la découverte. C'était un petit plaisir. Et on enchaîne sur le Roland Gamos. Alors, le Roland Gamos, je vais vous expliquer les règles et on va commencer. Ça va vous faire un exemple. Le Roland Gamos, en gros, là, j'ai un petit bonnet avec différents noms de rappeurs. Je vais en tirer un au sort. Et le premier joueur doit trouver un rappeur avec lequel celui que je viens de tirer a réalisé une collaboration. Et après, on continue, ainsi de suite. Si on trouve pas de feat, on est éliminé et le gagnant est le dernier en vie. Et donc, je vais tirer un rappeur et Dylan, tu vas pouvoir commencer. Attention. Louvrezval. Oh là là. Louvrezval. Oh là là. Pas mal. C'est parti pour le Roland Gamos. Louvrezval a réalisé un feat avec... C'est un peu dur, Louvrezval. Hein. Ouais. Il a pas fait beaucoup de feats, je crois. Moi, j'en ai. Attends. Je suis sûr, un petit peu, qu'il a fait un feat avec Al Capote. Ouais, il y a de fortes chances. C'est un projet commun. Oui. À toi, monsieur. C'est à moi. Je pense que Al Capote a fait un feat avec Savage Toddy. Oh, okay, joli. C'est un peu beau. Ok, là, c'est complexe. T'es un petit peu embêté, là, mon cher Roman. Il est un petit peu yombe. Attends, ça veut que je te dis, il a fait un feat avec qui? À part avec Louvrezval. Moi j'ai, mais c'est assez compliqué. Ah vrai. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Il y en a pas avec la meuf là. Non, je pense crois pas. Il y a pas avec Olivans. Non, il y a pas. Pas la meuf, désolé. Dédicace. Attends, ça veut que je te dis, c'est complexe hein. Ouais. Je crois qu'on a lâché Roman. Désolé. Bravo Roman. Merci. Et donc c'est à moi. Alors. Savage Toddy a réalisé un feat avec. Et donc là, on réfléchit. Et là, je dis Didi Trix sans conviction. Est-ce que quelqu'un peut faire la VAR? Petite vérification. Mais je te laisse vérifier, Dylan. Je pense que c'est à 90% non. Mais Non, ça n'existe pas, je viens de vérifier. Ok, et ben, malheureusement c'est perdu. Et ben on part pour la manche 2 de Roland Gamos. Mais attention, je suis coupé par le friki infernal. Oh là là là là. Et c'est parti pour un son en aléatoire dans une playlist. C'est parti. J'espère que vous êtes prêts, les gars. C'est Gazo. C'est 3-3. Wouah. Il était rapide. Bravo. GG à Hugo qui gagne un point. Merci à toi. Et on va enchaîner. Je l'attendais. On va enchaîner avec le Roland Gamos. Je vais tirer un nouveau rappeur au hasard et pour désavantager personne, cette fois, je vais commencer. Est-ce que je nous laisse Céline 3 fois en fond, les petits gars? Oui, vas-y, mais pour voir comment ça fait en vrai, vas-y. Ok, super. Alors, je plonge la main dans mon seau à rappeur et qui en sorge? Qui en sorge? Laylo. Oh voilà. Aïe. Ok. Et je commence et donc j'annonce Laylo feat Joker. Ok. Joker a fait un feat avec Mr. V. Oh. Mr. V a fait un pote avec Captain Roshi. Oh, je savais pas. Captain Roshi a fait un feat avec PLK. PLK a fait un feat avec Alpha One. Alpha a fait un feat avec Lesram. C'est vrai. Lesram a fait un feat avec The. Waouh. GG. Pas Mana Bendy. Ouais, c'est vrai. The a fait un feat avec. Attendez, y'a qui déjà? Il doit y avoir un driller. Ah. The, c'est complexe quand même. Ouais, The, c'est complexe. Moi, j'en ai peut-être un, mais je suis vraiment. Moi, j'ai un son de The où il est en feat. Il a fait un feat avec genre 7 personnes. 6-7 personnes. Ah ouais, maximum. Ouais. Il y a du monde. Il y avait un son, il était bien lourd. J'ai écouté récemment, je me rappelle plus du titre. Attends, mais un son de The que j'ai écouté en plus. Ah putain, je sais pas. En parlant de The, j'aime beaucoup le son Iki, c'est très très fort. GG. Alors The. Roman. Je crois qu'on va encore me laisser. Hein. Oh non, la panne. Aïe. GG. GG Roman, premier éliminé. Alors The a fait un feat avec. Donc The faisait partie de Panama Bende avec PLK et Asaf de mémoire. Mais PLK, on l'avait pas déjà dit. Non, si, on l'avait déjà dit, mais oui, moi je dis Asaf. Okay. Est-ce que The et Asaf ont fit? Aucune idée, perso. Sur le Panama Bende, il y a moyen du coup. Ouais, je vais checker. Alors, à part sur le Panama Bende, j'ai pas de fit enregistré, donc. Malheureusement, ça peut pas compter. J'ai pas The Fit Asaf décrit sur mon PC, donc je suis malheureusement éliminé. Mais ça compte pas le Panama Bende ? Si, en vrai, ça compte. En vrai, ça peut compter quand même. Si, ça compte okay. Généralement. Je pense que ça compte. Ça hein. Bon, bah vas-y, Dylan, avec Asaf, je te souhaite un bon courage. Allez. Bah écoutez, force à moi, force à vous tous dans vos projets. Je vais dire. Alors, Panama Bende, ils auraient pu faire un feat avec. Je dirais Nekfeu. Asaf, Nekfeu, j'ai rien, mais je vais regarder avec Panama Bende. J'ai pas. Vas-y. J'ai malaise. Rien, dommage, dommage. Au revoir à tous. Malaise. J'ai Dylan. Et Hugo, c'est à toi. Avec Asaf. Ouais. Asaf, j'ai pas. Bon. Dommage, eh bien, dommage. Je crois que c'est bien toi le grand gagnant. Eh bien, nous clôturons ce premier Roland Gamos sur une victoire de moi-même. Bravo. Bravo GG à vous, les gars. GG, franchement. Et je gagne le droit de passer le son de mon choix. Et donc, je vais vous envoyer, pour mon plus grand plaisir, Guérison de S.O.L.A.G. C'est parti. Let's go. La tête solide, mais j'ai aussi des ennemis qui zonent dans la vie. Mon verre se vide et je pense à quand j'étais dans le noir, c'est la vie. Et je pense à quand j'étais bloqué dans le danger. Y'en a plein qui sont rangés, d'autres couples sans étanger. Le coup du sort, foutu sommeil. Elle dit que j'ai un don du ciel, Tsukisama, applaudissez. J'suis sur Paris, pas du côté des bannis. Bientôt saut sur des galeries. Zaki m'a dit la stamina. Remplir le panier, je le fais, c'était pas gagné. Si toutes les routes sont barrées, pas le choix, on la joue animale. J'suis sur Paris, au poste où on dit. Des preuves. Je vais pas péter dans un golf, c'était. J'suis au studio et à commandant. Tant ma vie, c'est couper des preuves. Insulter la juge et les peurs. C'est pas moi le sauveur, c'est clair. Mardi ou dimanche, je préfère quand c'est calme. Tant remercie le temps. Remettre, c'est le temps. Très peu d'amis, mais j'ai beaucoup de terre. Donaflo m'a dit sans moi des beaux couplets. J'aurais tout oublié, même nos promesses. J'aime trop voler près du soleil. Paris, pas du côté des bannis. Bientôt saut sur des galeries. Zaki m'a dit la stamina. Remplir le panier, je le fais, c'était pas gagné. Si toutes les routes sont barrées, pas le choix, on la joue animale. J'suis sur Paris, au poste où on dit et voilà, merci. C'était Guérison. Quels sont de S.O.L.A. Lune, quels gros sont son, franchement. Merci. Sont alors, qui est à la prod? Quelqu'un sait? Pas du tout. Versadrip, je crois. Il y a de fortes chances. Je regarde. En effet, c'est Versadrip. Mais c'est un beatmaker qui bosse beaucoup avec lui. Hein. Ouais. Ils bossent quasi tout le temps ensemble. Ouais. Même sur scène, ils sont ensemble très très chauds. Des vrais collabs. Et bah, c'est l'heure de la chronique perso. Donc, je vais prendre le micro pour vous parler un petit peu du rappeur Yanis. Alors Yanis, qui c'est? Eh bien c'est un rappeur du 9-4 qui a sorti son premier projet sur Spotify en 2021. À son actif, il a deux albums, Night Mode en 2021 et Parelia en 2022, et il a aussi sorti un EP en 2022 qui s'appelle Eternalius, dont je vous passerai un extrait tout à l'heure. Alors sur Night Mode, comme nom qu'on connaît, on va retrouver Kossé, qui est un beatmaker qui a pas mal travaillé avec Lafèvre. Donc c'est un assez gros nom qui se fait une place un petit peu dans le rap et dans le beatmaking. Et sur Parelia, c'est une collab à 100% avec le beatmaker Lil Chick, donc que je connaissais pas. Et bah, figure-toi que Lil Chick a bossé également avec Ness. Ouais, c'est vrai, sur le dernier projet, et ils bossent très très très souvent avec Yanis. C'est une relation qu'ils ont musicale, comme on pourrait associer à Lafèvre et Kozaï, tu vois. Ok, et bah justement tu me permets d'enchaîner parce que je voulais parler de Ness. C'est un rappeur qui est assez proche de Yanis, ils ont réalisé plusieurs feats ensemble. Et le 8 octobre, Ness sera à la Boule Noire à Paris, donc peut-être qu'on s'attend à une apparition de Yanis. Possiblement. Voilà, donc maintenant je vais vous passer un petit son de Yanis qui est vin italien. Je vais vous laisser l'apprécier et après je vous parlerai un petit peu de la prod. Ok, donc voilà, ça c'était un extrait de vin italien de Yanis que je vous laisse en fond pendant que je vais parler c'est un petit peu. C'est une petite pépite. Hein, c'est une petite pépite qui a très peu d'écoute. Hein, Yanis, si je clique sur son profil Spotify, on est à 42 000 auditeurs par mois et vin italien, on est à peine 400 000 écoutes en tout. Ah, c'est son banger. Voilà, petit banger. Et donc la prod, je voulais vous parler de la prod. C'est un sample. Niz, donc le beatmaker qui est sur vin italien, a samplé une musique de Dominique Frontière. Donc c'est un gars qui faisait du son dans les années dès les années 70. Et ça c'est le son, il a été réalisé pour des documentaires sur les motos. Voilà, j'ai vu ça sur un tweet du Média Rap 1863. Et ça a été samplé, pitché, un petit peu accéléré pour donner la prod de vin italien et ça lui donne cette petite ambiance jazzy, western, un petit peu mexicaine. Ouais. Et donc je vais vous passer un petit extrait et après on enchaînera sur les débats. Et voilà, c'en est fini pour cette chronique sur Yanis. Bah merci beaucoup, Elliot. Hein. Merci, c'était très bien, bien lourd. Compris, les gars. Beau travail. Merci. On va passer au débat sur un sujet aléatoire. Donc, on a préparé un petit bonnet avec des sujets de débat. Dylan, je vais te laisser le sortir de ma poche, de manteau. Et oh là là, mais ça n'a de cesse. C'est sacré fugi. Il ne s'arrête jamais. Alors, oh là là, est-ce que vous êtes prêts? Let's go. On rappelle que j'ai un point, Elliot n'a pas de point, Roman a un point également et Hugo aussi. GG. En espérant qu'on ne tombe pas sur des pubs. C'est parti les gars. Ok, je crois que c'est Carrelage Italien de Alpha One. Oh là là, au bruit de la bouteille. Ah ouais, de fou, moi aussi j'ai pas eu. Putain, c'est... Eh ben GG. Elle m'appelle Jean-Michel. Oh, ok, je nous laisse ça en fond gentiment pendant que Dylan va tirer le sujet de débat au score. Du coup, j'ai gagné le freaky. T'as gagné le freaky. Exactement, mec. Bravo, bravo. Donc, j'ai tiré un petit papier. Et aujourd'hui, le débat va être la place des réseaux sociaux dans le rap. Ok, c'est bien intéressant. Et bah, si vous voulez, je peux commencer à donner un petit avis et je vous laisserai enchaîner. Bah, je t'en prie. Il y a différents réseaux sociaux qui influencent le rap, selon moi. Je vais en noter trois gros. Pour moi, il y a Twitter, évidemment. Il y a aussi TikTok et un petit peu Instagram, mais je trouve que Twitter et TikTok, c'est les plus gros. TikTok, c'est un petit peu une usine à buzz. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est plus vraiment pour fabriquer des... Pour les trends, etc. C'est pour les trends. Je trouve que ça peut permettre à certains artistes de montrer leur vraie valeur. Mais après, est-ce que c'est la bonne voie, entre guillemets, pour arriver à ce qu'ils méritent? Je ne sais pas. Eh bah, figure-toi que des artistes qui étaient là depuis très longtemps dans le rap, on peut notamment parler de G2B, Guy de Bezba, qui était là depuis 2016, si je dis pas de bêtises, voire même plus tôt. Moi, en tout cas, il l'ai connu en 2016. Sur le projet de Lacrim à l'ancienne. Ouais, et puis à l'ancienne, encore avant, il avait fait un son avec Niska, etc., qui avait bien tourné à l'époque. Et il avait été un peu oublié. Et heureusement pour lui, il a redémarré bien sa carrière comme il fallait. Et un des principaux acteurs qui a fait booster sa carrière comme ça, c'est quand même TikTok. Hein. Parce que, et je trouve que c'est un bon contre-exemple parce que c'est ce qui a buzzé pour lui sur TikTok, c'est pas très très catastrophique. Hein. Mmh. Je trouve que les sons s'écoutent facilement. Des sons comme Cracklanders, De bon matin, je crois, avec Masca. Des bangers. Tu vas en concert, tu vois les gens s'ambiancer dessus, les gens les écoutent encore. Tout le monde connaît ces sons maintenant. Il y avait ces sons avec Boleman, là, je crois. Ouais. Et puis grâce à ça, il a eu son disque d'or quand même. Hein. Très récemment, d'ailleurs, en plus. Mérité. Et les gars, vous, à propos de Twitter, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que Twitter a une bonne influence sur le rap? Est-ce que vous pensez que Twitter vous influence peut-être vos goûts et la manière dont vous écoutez et vous appréciez la musique? Je pense que Twitter a une bonne influence sur le rap et contribue bien à son développement, mais peut-être un peu trop des fois sur les auditeurs sur la création de cases, par exemple dans la musique. Les internautes aiment bien ranger dans des cases les rappeurs et peut-être qui vont attiser une curiosité, parfois de la haine envers eux, sous certains tweets qui peuvent être perçus comme des forceurs, par exemple, etc. Ça peut être un problème, je trouve, vous. Oui, moi, je suis assez d'accord avec toi. Mais moi, je suis plus de l'avis qu'aujourd'hui, ça entache un petit peu, on va dire, les goûts musicaux des gens. Certains ont un peu honte. C'est un grand mot, mais on a un peu honte de ce qu'ils écoutent d'être associés à des artistes qui se font lyncher sur les réseaux. Et puis, on a tous les vendredis, on a droit, lorsqu'il y a un projet qui sort, à des critiques sur Twitter et vraiment pas constructives. Genre, c'est soit l'album, gros flop, et c'est l'album de l'année, soit c'est finito. Donc, c'est très très catégorique. Et moi, je trouve que ça, c'est un énorme problème parce que il y a vraiment un acharnement et il y a. Au final, le fait que la musique soit un des goûts subjectifs, c'est plus trop à l'heure du jour avec cette application, par exemple. Exactement. Si tu penses pas d'une telle manière, tu peux te faire un double tranchant, finalement. Après, moi, je trouve qu'il y a aussi quand même un aspect intéressant, quoi. Ouais, avec certains médias rap, Roman, vas-y, enchaîne. C'est ce que je voulais dire, par exemple, comme des médias comme 1863, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi des petits médias, il y a La Pépite, etc., Pépite Rap FR, qui peuvent faire découvrir de petits artistes. Ouais, carrément. Ça peut être intéressant, ça, pour les rookies. Ouais, c'est vrai. C'est bien pour découvrir des rappeurs, etc. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est vrai qu'il y a un mauvais côté, quand même, avec des gros médias qui partagent toujours les mêmes choses, etc., mais il faut tout. Eh bien, dis-toi que, d'ailleurs, ce genre de médias, aujourd'hui, ils font partie des stratégies marketing des artistes. Ouais. Enfin, leur DA en général essaye de cibler des grosses pages comme Culture, Raplume, et puis c'est sous forme de cachet. Hein. Ils envoient des gros cachets, et si tu peux parler d'un artiste en particulier, tu reçois un gros cachet. Quoi. Donc en même temps, c'est une bonne technique de marketing qui est de nos jours très très efficace. Parce que tu vas avoir l'habitude de te baser un petit peu sur ce que tu vois sur les réseaux. Tu vois un truc qui baise un petit peu ou qui tourne pas mal. Tu vas avoir la curiosité d'écouter. Ça produit un engouement, tu vois, autour d'un artiste. trouve que c'est cool ça par contre. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est par exemple les concerts organisés par des médias. Ouais, ça c'est comme cool. Par exemple les soirées Raplume. C'est clair. Il y en avait une récemment avec Kershaw qui est impliqué et quelques invités. Ouais, ouais, ils font venir des vrais noms en plus. Mais ça permet de regrouper une communauté. Et ouais. Du coup, il y a vraiment une communauté, tous les fans de rap, etc. Tout, c'est clair. Il y a ça à toutes les échelles, même 1063, ils font quelques soirées des fois. C'est vrai. Même récemment, PPSC. Ouais. C'est le genre de marque qui peut aussi percer grâce à TikTok ou bien, bien Twitter. C'est vrai. Hein. Qui essaie. Certaines marques indépendantes de vêtements qui utilisent les codes de l'urbain, etc. pour s'expandre. Bah, les bonnets de PPSC, on les a vus un peu pas mal sur TikTok pendant un bon moment. Ouais, c'est vrai. En premier sur G9, sur des Lafèves, etc. Moi, sur Lafèves, je l'ai beaucoup. Et maintenant, on peut les voir sur Mister V, etc. Tout le monde apporte du PPSC. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, bah, GG à eux. Bravo PPSC, c'est vrai. On peut parler aussi de la tape de Raplume qui nous sort un projet avec des noms comme Zamdam. Il y a aussi Green Montana. Green Montana, etc. qui sont beaucoup des artistes qui sont appréciés du milieu Twitter. Donc on voit clairement qu'il y a une volonté de regrouper ce que l'avis général apprécie du public Twitter. Tout à fait. Afin de fédérer finalement. Et ça crée aussi quelque part une bonne communauté de personnes qui aiment les mêmes choses. Et ça fait plaisir finalement. Ok, et merci bien les gars. Merci. On arrive à la fin du débat et surtout à la fin de l'émission. Donc si vous avez bien suivi, vous avez compris que Roman a gagné ses petits blind tests. Bravo, free. Bravo, oui. Bravo Roman. Et donc on va tous vous dire au revoir et je vais laisser Roman choisir le son qui va clôturer cette émission. Et bah, donc, étant donné que c'est les NJP ce week-end et qu'il y a Makala, on va mettre le roi de la Floride de Makala. Super, je vous envoie ça tout de suite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la Trap House. C'est un plaisir. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine bien préparé et avec des petites pépites à vous faire écouter. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Pensez rapper mieux que moi. Moi, sauver le monde en despi, ça a pris que 9 mois. J't'ai souri quelques fois, mais j'suis pas ton ref, moi. Retourne, tu sais, pour du off-white. Retourne, tu sais, pour du suprême. Hey, too much murder, le sang qui coule, Joe, c'est ça qu'il aime. Ramène-nous n'importe quel carry, on fait stink, il est. T'es encore ne jeu, mais ton esprit a déjà trop de rides. Smacking Kunta, boss de neige, je roi de la Floride. La première fois que je suis sorti du TIEX, j'avais 13 piges. La prochaine fois que je retourne au TIEX, c'est dans une nouvelle caisse. J'ai le dos tourné, mais je sais qu'ils observent tous mes gestes. Hey, juste 2 secondes, on va se mettre d'accord. Hey, non merci, m'envoyez pas de prod. J'bosse avec le meilleur, j'passerai pas mon mail. Pim pim pim, Lomachenko, t'as sommeil, va dormir. La voiture s'gare, si short, c'est que pour faire du s'gare, j'suis s'gare. Élément perturbateur, j'fous la merde, porter plainte contre X. Le négro n'a pas de brolique, ça se passe dans les yeux. Mais le Joe peut te regarder comme le fusil à pompe te fixe. Regarde-moi bien, tu vois quoi. Tu vois comment je mange, tu vois comment je pense. Chaque move que je fais, ça sent la puissance. T'as compris quoi les frères à la cuisine RS. À mon âge de gérer les gogos, j'ai pas l'air plus. Sinon... Hey, hey, Makala c'est un créateur. Comme ceux qui nous protègent, j'suis dans les loges posées. Je sais très bien que les gommes cherchent, mais ma copine est trop fraîche. Plus que Gilo dans son pot de pêche, j'ai monté sur scène à l'aise comme toujours. Je ressens pas de pression, celui ou celle qui a le seum dans la salle, je pardonne. Comme ceux qui nous protègent, les OGs qui ont révolutionné le truc, savent que c'est dangereux ce qu'apportent ces jeunes. Monsieur Lacroix, c'est que je suis unique au mon genre et que ça a rien à voir avec d'autres sessions. Et de taille, c'est pour les autres, moi je pense qu'à me dépasser, c'est même devenu une obsession. On est parti du tech comme un crochet, rien comme tu bouges la tête sur le son. Je m'aime pas ton avis sur le projet. Des fois je suis même trop loin pour mes proches. Groupe Ulof, t'as senti que j'étais le prochain. Tu t'en fous de la musique que je fais. Tu veux savoir si je fais de la thune. Garde par toi-même vu que t'es dans la poche. Passe comme la Porsche, frais sur la poche. J'étais le pincé les joues, maintenant le temps des approches. Ah comment je kiffe ma life. Les vérités qui sortent ma bouche balafre. Pour ce flow, certains vendraient leur mère. On dirait que le daron de bas qui c'est moi. Maîtriser cette force, ça m'a pas pris des mois. Je suis né avec le haki des rois. Je mets l'approche, j'ai smir comme les créateurs quand ça marche ou les créateurs dans le club quand t'as la taille et la table. Pas du genre à forcer si l'instrument fait grimacer comme quand le verre est corsé. C'est que je suis déjà amorcé.